l'acte est accompli, il s'est dissous dans le néant. Ce n'est que si l'on en parle qu'il redevient réalité. J'aimerais qu'on s'assoie et qu'on parle. Voir la confiance régner, plus faire saigner par ses comparses. Y'a les contrastes et ce manque de compassion. J'ai fait ce constat, mais notre destin veut qu'on patiente. Alors soyons réfléchis, renier cette idée de fléchir. J'suis pas le premier à dire qu'faut se réunir pour éviter de faiblir. Résister tant que la fraternité se déchire. Le nombre de décès et de blessés fait la tristesse des chiffres. J'médite, à toi de jauger la justesse des rimes. Au moins j'me bouge, beaucoup moins de nos jours la liberté se mérite. J'récite, persiste et signe pour la vérité. Ce qu'on nous dit pas, les ogives parlent et la spirine le thé. Préfère te ramener à ta vie de consommateur, omettant de citer les vrais coupables de nos malheurs. Et je te parle pas de ton smic qui te fait croire que t'es quelqu'un. Ma France je l'aimais, dégoûté de voir le nombre de quéquettes qu'elle tient. Tu sais bien, y'a pas de conflit sans intérêt, sauf là où y'a plus rien. En termes d'espoir, donc on enfreint les règles. De simples merde, c'est ce que nous sommes pour eux. Donc t'étonnes pas d'entendre les bandits parler de sommes poudreuses. Des hommes douteux, le cerveau plein de scènes floutées. C'est ce que sont les chefs de nos chefs d'état, les jeux sont faits. Mais bon, je crois qu'on se doit d'agir. Convaincre ceux qui veulent pas le croire, qui veulent pas voir qu'on a ce monde à rebâtir. Parce que notre silence est un crime. Nous dit que c'est inscrit, c'est pire ailleurs, et que notre destin est ainsi. Je vois peu d'étincelles et je crois que c'est un signe. On fait graviver la flemme, la fraternité s'invite. Regarde qui s'est invité à la table, crois pas que c'est un mythe. On parle de crise pour ramasser ta mise. Loin de voir le mal se froisser, donc jette un cri d'alarme. Je crois que c'est valable, notre silence est un crime. Ouais. Frère, les faits sont graves et la fiction fait son effet. On aurait dû se méfier car les méfaits sont crades. L'encéphale, tu méfies de ce qui se passe quand c'est tu. Vrai comme le cancer, tu. Faut pas qu'on dise à nos mômes qu'on s'est tu. Mais tu sais de l'individualisme et sa lividité. Tu sais qu'il n'y a pas de couleur, mais notre réflexion est si limitée. À cette heure-ci, un rien sacré l'amalgame. Rien de tel qu'un sale bougne ou le barbu entouré de 2-3 macaques. Mais dans ce message, y'a pas de race, si ce n'est celle des hommes. Dans nos têtes, c'est le désordre à cause des carnages. À part des carnassiers, demande-toi ce que l'homme incarne. Est-ce les bons qu'on incarcère? Penche-toi sur certains cas. L'air est certain stable, tant que les requins tapent pour le magot. Affirme qu'il n'y a pas de magouille et la terreur s'installe. Y'a plus que des cœurs de pierre sans rien dans le caillou. Quoi, ne vois-tu pas que leur système crée tant de voyous? Voyons, l'écart se creuse, ne faut pas qu'on s'étonne, tout ça évolue. Moulu, je te parle de vie, faut qu'on s'efforce. Alors que des forces nées gouvernent, ces hommes me dégoûtent, soif de découverte. Tant pis, mon frère, si personne ne m'écoute, mais je veux que ceux qui jouent les sourds d'oreilles entendent. Réveillez-vous, je peux pas les voir transformer nos rêves en cendres. La France, pour qu'ils s'en coulent, ne pense qu'à se plaindre. Avant de se serrer les coudes, faut déjà qu'on se bouge et se tente la main. Ouais. Parce que notre silence est un crime, qu'on nous dit que c'est inscrit, c'est pire ailleurs, et que notre destin est ainsi. Je vois peu d'étincelles et je crois que c'est un signe. On fait graviver la flemme, la fraternité s'invite. Regarde qui s'est invité à la table, crois pas que c'est un mythe. On parle de crise pour ramasser ta mise. Loin de voir le mal se froisser, donc jette un cri d'alarme. Je crois que c'est valable, notre silence est un crime. Parce que notre silence est un crime. On nous dit que c'est inscrit, c'est pire ailleurs et que notre destin est ainsi. Je vois peu d'étincelles et je crois que c'est un signe. On fait graviver la flemme, la fraternité s'invite. Regarde qui s'est invité à la table, crois pas que c'est un mythe. On parle de crise pour ramasser ta mise. Loin de voir le mal se froisser, donc jette un cri d'alarme. Je crois que c'est valable, notre silence est un crime. Pas un mot sur le crime. Laissez-moi faire disparaître le corps de ma victime. Pas de trace, pas d'innocent, pas de coupable. Quelle humanité. On ne peut pas choisir. Faut tout aimer en vrac.